Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Thank you, Jesus. Sauveur du monde, a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, il est à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Même le tombeau ne peut de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, le calvaire. Le calvaire a tout couvert. A tout couvert. Ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout. Oh, le calvaire. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé. montagne. Oh, le calvaire. Le calvaire. Le calvaire a tout couvert. A tout couvert. Tous mes péchés, tous mes péchés. Tous mes ma honte effacée, ma honte effacée. Ma honte effacée. Pour gloire à celui. Pour gloire à celui. Qui a sauvé mon âme. Qui a sauvé mon âme. Oh, le calvaire. Le calvaire a oh, tout gloire à celui, gloire à celui, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je suis content de vous voir ce matin. C'est comme il y a 3 mois. Alléluia. Je pense que ce matin, ça va, s'il vous plaît, ça va. Alléluia. Amen. Je suis content d'être là et je pense que vous serez bénis ce matin. Alléluia. La semaine passée, j'étais à l'église Lighthouse au Niger. Alléluia. Vous allez remarquer que si tu es ici ce matin, tu es béni. C'est pas la même chose. Yeah, c'est pas la même chose. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai le pasteur qui est là ce matin. Alléluia. C'est vous qui devez aller dans vos pays et puis commencer l'église. Et puis prêcher la parole. Alléluia. Un Ghanéen qui ne parlait pas français, qui a fini l'université, que toi aussi tu as fini, ou bien tu es en train de finir, et il est allé en un pays étranger et a commencé l'église. C'est pas facile. Et la raison pour laquelle tu es ici, c'est pour finir, être formé ici, et puis aller dans ton pays et faire l'église. Alléluia. Et donc sans tarder, j'invite le pasteur, le révérend Andy, pour dire un mot. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Je suis très content aujourd'hui pour être ici. Gloire à Dieu, votre pasteur nous a visité la semaine passée. Wow, c'est bon toujours pour nous encourager. Alléluia. Alléluia. Il faut continuer et travailler pour Dieu, pour l'aider, pour bâtir l'église. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de bénédictions dans l'église. Oui, beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin par cette grâce que tu nous donnes chaque jour. Merci, Seigneur, que nous avons la force d'être ici ce matin. Et nous te louons, Seigneur. Ce matin, nous venons devant ton trône. Et nous avons nos cœurs bien disposés. Et nous sommes prêts pour écouter ta parole. Seigneur, que cette parole vienne accomplir ce dessein dans nos vies, au nom de Jésus. Que cette parole ne retourne pas sans avoir accompli ce dessein. Seigneur, bénis chacun. Change les cœurs. Bénis. Sauve, Seigneur. Délivre. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Yeah. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? La chorale. La plus puissante chorale que nous avons. Alléluia. Si tu veux chanter, si tu veux danser, si tu veux tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, viens nous voir. Alléluia. Tu peux faire quelque chose. Amen. Yeah. Et donc ce matin, nous allons continuer avec notre sujet. Alléluia. Hein? Les démons et comment les affronter. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on a déjà parlé des signes? Les signes de la présence des démons? Pas encore? Alléluia. Yeah. On a parlé des trois TLC. C'est TLC ou bien TCL? Alléluia. La tentation, les tentations. Alléluia. Ce sont les activités démoniaques. Les tentations. Alléluia. Et puis quoi encore? Et quoi? Conduire. Alléluia. L'ennemi te conduit à faire des choses, t'entraîne à faire des choses. Alléluia. Et puis la troisième, c'est lié. Alléluia. Parfois, on est lié. On n'arrive pas à bouger. Amen. On est lié à quelque chose. On n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à faire ce que nous voulons faire. Alléluia. Il y a certains qui veulent rejoindre la chorale. Mais sont liés, ne peuvent pas. Quelque chose ne va pas. Je veux, mais je ne veux pas. Alléluia. Je veux, mais je ne veux pas. Je veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Tu es lié. C'est une activité démoniaque. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Est-ce qu'on peut lire ce verset avant de continuer? Luc chapitre 13. Verset 16. Luc 13. Est-ce que tu as ta Bible? Luc 13, verset 16. Mais le Seigneur y répondit, hypocrite. Ok, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf à son nom? Alléluia. À son âne de la crèche le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir. Verset 16. Ne faut-il point en un jour de sabbat détacher cette fille d'Abraham. Alléluia. Que Satan tenait lié depuis 10 ans. Alléluia. Certains d'entre nous sommes liés depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an. Parfois, tu es lié à un homme. Tu es lié à une fille. Tu n'arrives pas à te détacher. Tu veux te détacher, mais tu n'arrives pas à te détacher. Mais ce matin, tu es détaché au nom de Jésus. En écoutant cette parole. Alléluia. Est-ce que ça va? Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. J'ai juste quelques minutes pour partir. Luc chapitre 8, verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme, dont ils étaient saisis depuis longtemps. On le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves. Okay? Mais il rompait ses liens. Il était emporté par le démon dans le désert. Alléluia. Emporté. Il était emporté par le démon, pas le Saint-Esprit. On est emporté par les démons pour aller en certains endroits. pour faire certaines choses, pour aller forniquer. On est emporté par le démon. On a envie, j'ai l'envie d'aller. J'ai l'envie d'aller boire, emporter, entraîner. Alléluia. Ce sont des activités démoniaques. Et si tu m'écoutes ce matin, démon est dévoilé. Il est en train de fuir ta vie. Au nom de Jésus. Parfois on dit que c'est l'amour. J'ai l'amour. Et puis je veux aller. Je veux emporter. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle je prêche ce message, c'est à cause de décembre. À cause de décembre. Parce que décembre, il y a beaucoup de démons qui sortent. Démons qui sont dans des activités que nous organisons. Les anniversaires. Noël. Emporté. J'ai envie qu'ils me prennent comme ça. Sur mon on appelle ici à comment? La poitrine, qu'il met la tête. Qui même. Ce décembre, tu ne vas plus faire ça. Au nom de Jésus. C'est un démon. Pasteur, je suis tenté. Lorsque tu es tenté, c'est une activité démoniaque. C'est serval? Ok, sorry. Tu ressembles à un membre, serval. Il est déjà parti depuis longtemps. Je crois qu'il est revenu. Alléluia. On est emporté, on est entraîné, on est conduit. Conduit à la boîte de nuit. Conduit à cette fête, cette célébration. Il y a certaines célébrations, tu ne dois pas participer. Anniversaire. Dis, oh non, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Les démons qui sont dans... Il y a un pasteur qui dit qu'il allait à un endroit, je pense à un hôtel, et ses yeux étaient ouverts. Est-ce que vous comprenez? Ses yeux étaient ouverts et dans l'esprit, il a vu des entités. Et chaque entité avait une chambre dans cet endroit. Et donc, c'est comme ils sont sortis, les entités sont sorties, et puis revenaient. Et chacun allait et puis entrait dans sa chambre. Tout juste, je me suis rappelé de l'hostel. Il a dit, hey. Les activités que tu fais dans tes chambres, là, dans ta chambre, tu caches la nuit, la journée seule, et puis tu fais dans la chambre. Et c'est une entité qui t'enduit, bien que te conduit, qui t'emporte à faire cette activité. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu prends ton téléphone, tu prends ton iPad, tu prends ton laptop, et tu commences à regarder le porno, la porno. Porno. Vous connaissez porno? Les gens ont porno dans leur poche. Maintenant, tu as porno dans ta main. Il faut supprimer ça ce matin. Au nom de Jésus. Tu envoies un message. Oh papa, j'ai besoin de ordinateur. J'ai pour faire des recherches. C'est pour rechercher des pornos. Pas d'école. Tu n'as pas besoin de ça. C'est une activité démoniaque. Je te dis ce matin. Alléluia. Et je vous ai dit, dans le jardin, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Il t'a créé. Tu es bon. Qu'est-ce qui a détruit ta vie maintenant? C'est la visite du diable qui a détruit le jardin d'Éden. Et on a chassé Adam et Ève du jardin. Yeah. C'est une visite qui t'a visité. Et aujourd'hui, ta vie, tu ne sais comment, c'est... Qui t'a visité? Qui t'a visité? Alléluia. Tout ce que le Seigneur a créé, bon, le mariage, papa et maman ne sont plus ensemble. Mais ils s'aimaient avant. Yeah. Tu crois qu'ils t'ont mis au monde dans les querelles? Non. Non, ils ne t'ont pas mis dans le monde dans les querelles. Il y avait l'amour, ou bien? Il y avait beaucoup d'amour, plein d'amour. Donc, qu'est-ce qui est... Il y a eu une visite. Alléluia. Il y a eu une visite, la visite du démon, du serpent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, si quelque chose ne marche pas dans ta vie, il ne faut pas attribuer ça à ton ami. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas attribuer ça à ton ami. Il ne faut pas attribuer ça à... Parce que la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Hein? Pas la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6. On peut lire un peu. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Alléluia. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toute armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde, des ténèbres, bien contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Yeah. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeurez ferme. Alléluia. Waouh. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Lorsque tu as envie d'aller forniquer, ce n'est pas contre la chair. Alléluia. Ce n'est pas la chair. Il y a un esprit qui t'enduit, qui te conduit, qui t'entraîne. Alléluia. Lorsque tu veux aller voler, c'est un esprit qui t'entraîne à aller voler. Alléluia. Lorsque tu es tenté à faire quelque chose, c'est un esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Et si on a le temps, on va parler des portes par lesquelles les démons entrent dans ta vie. Yeah. Les portes. Il y a des portes. Beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Alléluia. Beaucoup de portes. Beaucoup de portes. C'est pourquoi on voit... Aujourd'hui, tu es ici, tu as beaucoup de désirs pour servir le Seigneur. Tu es là, tu es content. Alléluia. Et une petite chose. Tu as fait comme ça. Oh, pasteur. Et pasteur ne t'a pas vu. C'est fini. Tu es offensé. C'est une porte. L'ennemi en dit, ah mais le pasteur là, regarde le pasteur là. Regarde le petit garçon là. Je l'ai salué, mais il n'a même pas regardé. Il ne m'a même pas vu. Qui a visité? C'est le pasteur. Non. Non. C'est le pasteur. J'ai les yeux. Tu vois, je ne vois pas bien. Alléluia. Il a même les lunettes. Même avec les lunettes, il ne voit même pas. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui cause ça? C'est un esprit d'orgueil qui ne veut pas être humble, qui ne veut pas être humilié, qui ne veut pas s'abaisser. Dire, oh pasteur, je veux te saluer, je t'ai salué, tu ne m'as pas vu. Je reviens encore pour dire, oh je veux encore, c'est, pasteur, tu es là, je veux que tu me vois, tu me regardes, je veux te saluer. Mais cet esprit d'orgueil que le diable a, c'est tout esprit qui a fait que le Seigneur l'a chassé du ciel. Yeah. C'est un esprit, ce n'est pas le pasteur. Offense dans la chorale. Pourquoi il m'a parlé ainsi? Hein? J'ai chanté et il a dit que je n'ai pas bien chanté. Il m'a dit de répéter encore devant tout le monde. Et tout le monde me regardait avec les yeux rouges. Et tout le monde riait. C'est quoi? C'est pas la personne là. C'est pas la chorale. Parce que le diable veut détruire une bonne chose. Est-ce que tout le monde ici ne veut pas servir le Seigneur? Ne fais quelque chose pour le Seigneur. Donc la visite de l'ennemi peut faire que tu vas retourner. Tu vas partir. Alléluia. Tu vas partir. Tu ne vas pas servir. La visite. La visite. Et parfois, on a des gens qui sont avec nos amis, qui sont remplis de démons, qui sont influencés de démons. Si ce n'est pas rempli, c'est influencé. Parce que le pasteur l'a dit que mes amis sont remplis de démons. S'il vous plaît. OK. Mais c'est la vérité. Yeah. Yeah. L'apôtre Pierre était influencé par les démons. À côté de Jésus. Yeah. L'apôtre Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, va-t'en quoi? Satan même. Il n'a même pas dit démon, parce que démons sont les... Satan lui-même était avec Pierre. Horrible. Dans les amis que nous avons, tu parles à la main, tu es content, tu as chanté aujourd'hui, tu dis, oh Seigneur, merci. Merci, j'étais béni par la parole. Le coup d'aujourd'hui, là, c'est fini. Et puis tu rencontres un ami. Oh, tu vas à Lighthouse. Oh, cette église-là. Tu connais le pasteur Dag. Tu ne connais pas le pasteur Dag? Moi, je connais très bien le pasteur Dag. L'église a ses insectes. Yeah. L'église a ses insectes. Et toi, tu vas là-bas. La visite de Satan. La visite de Satan. Parce qu'on voit ça chaque jour. On voit ici, les gens viennent. Et puis après, ils ne viennent plus. Visite. Yeah, visite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu commences, les gens commencent à parler. À toi de dire non, s'il te plaît. Il y a des gens que tu dois même supprimer leur numéro de téléphone. Yeah. Yeah. Même au pays, parfois on appelle du pays. On te dit ne va pas à Lighthouse. Ne va pas à Lighthouse. On appelle. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous me regardez comme c'est pas vrai. Je connais tout. Alléluia. Amen. Donc, une bonne chose. Chaque fois, je dis une bonne chose. Dieu a créé tout ce qu'il y a. Dieu a créé, c'est bon. Une belle église comme ça. Une belle église. Avec de belles personnes comme toi. Ou bien, yeah. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'il y aura une confusion entre nous. Qu'il y aura des querelles entre nous. C'est la visite d'un ennemi. Ou bien? Yeah. Yeah. Donc ne laisse pas l'ennemi te visiter. Ne laisse pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc aujourd'hui, je vais... Oh, j'ai... le temps est parti. OK. OK. Alléluia. Yeah. Les signes de la présence des démons. Les signes. Alléluia. Yeah. Le premier signe, c'est quoi? C'est la peur. La peur. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. La peur. Alléluia. Amen. Vous êtes là? La peur. Car Dieu nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Waouh. Vous êtes là? Yeah. Je vais lire une seconde. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, et de sagesse. Alléluia. Timidité, c'est la peur. tu as peur de rejoindre la chorale. Parce que tu vas dire que les gens vont se moquer de moi, je ne sais pas comment chanter. Alléluia. Tu as peur. Lorsque tu as, la peur, c'est un démon. La peur, c'est un démon. C'est ce que la Bible dit. La peur, c'est un démon. Alléluia. Et lorsque tu as la peur, tu n'agis pas naturellement. Tu es différent des autres. Alléluia. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. On a beaucoup de peur. Alléluia. Yeah. La peur de se marier. Yeah. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se marier parce que, à cause de ce qu'ils ont vu. Alléluia. Il y a certains qui ont la peur de commencer une relation. À cause de ce qui s'est passé dans les relations précédentes. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. La peur. La peur. La peur de réécrire un examen. Parce qu'on a déjà échoué. That one. Alléluia. La peur. Yeah. La peur te paralyse. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est la présence, c'est un signe des démons. Un signe. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne veut plus faire des erreurs. Alléluia. On ne veut plus répéter ce qu'on a déjà fait. On ne veut plus avoir l'expérience-là qu'on a eue dans le passé. Donc, il y a la peur qui est là. C'est un démon. Est-ce que vous comprenez? C'est un démon. C'est un démon. Alléluia. Marc chapitre 5. On va lire, il y a un exemple dans la Bible. On a déjà lu. Alléluia. Yeah. Marc chapitre 1, 5, verset 1. Wow, je n'ai pas beaucoup de temps. Okay. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 1. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-delà de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit pur, impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en jure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Alléluia. Est-ce que vous savez que les démons parlent? Yeah. Un jour, il y avait une fille là, je ne sais pas si elle est toujours là. Il y avait une fille qui était possédée ici. Yeah. Un dimanche matin, yeah, commencé à parler ici. Elle a commencé à dire beaucoup de choses. C'est le démon qui parlait. Après la délivrance ici, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle ne savait même pas qu'elle était à l'église. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc c'est ce qui se passe ici. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Il lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et lui parlait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alléluia. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Alléluia. Et les démons le priaient, disaient, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Alléluia. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Et il y en avait environ 10 000 et ils se noyèrent dans la mer. Wow! Démons. Les démons. Vous voyez, on disait que le gars vivait dans les sépulcres, au cimetière. Est-ce que vous comprenez? Et le cimetière, il y a beaucoup de peur dans les cimetières. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Il ne vivait pas avec les autres. Il était dans le cimetière. Et dans le cimetière, vous savez qu'il y a la peur. Personne ne peut rester dans le cimetière. Mais c'est là qu'il demeurait. Alléluia. Donc la peur fait que tu n'agis pas naturellement. Tu n'as pas plus l'amour. Par exemple, lorsqu'il y a la peur, tu n'as plus d'amour pour les autres. Tu as peur. La peur enlève l'amour. La peur enlève la force de bouger. Alléluia. Et donc, tu ne peux plus faire ce que tu dois faire. Tu n'arrives plus à accomplir ce que tu veux que tu accomplisses. Yeah. Les gens ont peur de rejoindre l'église. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Alléluia. Les gens ont peur de venir à l'église. Les gens ont peur d'aller à l'école. Les gens ont peur de commencer une relation. Les gens ont peur de faire ce qu'ils veulent. Ils doivent faire pour le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, il y a quelque chose que Dieu met dans nos cœurs. Fais ça. Tu peux faire ça. Tu peux aller ici. Tu peux. Mais il y a une peur. Beaucoup de personnes ici qui doivent chanter. Beaucoup de personnes qui doivent danser. Beaucoup de personnes qui doivent évangéliser avec nous. Qui ne veulent pas. Beaucoup de personnes qui doivent rejoindre les cellules. Mais il y a une peur qui est là. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Et donc ce matin, cette peur te quitte si tu as cette peur. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais d'amour. De sagesse. Alléluia. Et de force. Lorsque tu as la peur, tu n'as pas la peur, tu as la force. Alléluia. Tu arrives à réfléchir correctement. Lorsque tu as peur, tu ne peux pas réfléchir correctement. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Waouh. Le temps me pousse à... Yeah. Le deuxième signe, c'est la séparation. Yeah. La séparation. Hein? Séparation. Deuxième signe de démon. Le démon n'aime pas l'union. C'est pourquoi il y a divorce. Séparation. Te sépare. Il y a des querelles. On se sépare entre amis. Alléluia. Et je vous dis que lorsque tu ne donnes pas le nom approprié à ce démon, parce que de nos jours, on donne un nom intellectuel. Intellectuel. On ne dit pas c'est un démon. On dit quoi? Incompatibilité. On n'est pas compatible. Hein? On ne s'entend pas. Il n'y a pas l'amour. C'est ça, non? On ne s'aime plus. Mais pourquoi on s'aimait avant? Pourquoi papa et maman s'aimaient avant? Donc, d'où vient l'incompatibilité? C'est ça la même. Ah, c'est ça même. Alléluia. Donc, donner des noms. Les noms, lorsque les choses se passent, il faut dire que ça, c'est un démon. Ça, c'est un démon. Reconnaisse que c'est un démon. Lorsque l'offense commence, c'est un démon. Seigneur, aide-moi à pardonner. Est-ce que vous comprenez? C'est un démon. Il m'a insulté. Est-ce qu'il me connaît? D'où je viens? Ma famille? Ah. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Séparation. Séparé. Je vais lire, mais c'est dans Jude. Jude, verset 19, je pense. Yeah. 18-19. Jude. Il faut savoir que Jude, c'est un chapitre, un seul chapitre. Alléluia. Jude chapitre 1, verset 19. Ok, je commence par 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Yeah, n'ayant pas le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils ont un autre esprit. Ceux qui provoquent des divisions, des séparations. Alléluia. La personne qui te dit que ne viens pas à l'église, il veut te séparer de l'église, il veut te séparer de la baisse de la cellule, il veut te séparer de la chorale. Tout ce qui te provoque de te séparer de ce que Dieu fait avec toi, c'est un démon. Séparation. Yeah. L'homme de l'homme gadarénien, là, le gars, il vivait dans, t'es séparé de sa famille. Il vivait seul. Alléluia. Et la plupart des gens, lorsque les gens sont offensés, se séparent seuls. Je ne veux plus venir pour être offensé encore. Je quitte le présent worship, c'est fini. Je crie le groupe de danse, les gens là. Lorsque je danse, ils se moquent de moi. Yeah. Ils se moquent de moi. Quoi? Abéika a quitté la danse. Tu as quitté la danse. Yeah. Séparation. Yeah. Séparation. Séparation. Et les amis qui sont à la maison, qui ne viennent pas à l'église, ils te découragent de venir à l'église. Yeah. Ce sont des gens là qui n'ont pas l'esprit. Yeah. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, hein, n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont un autre esprit, un démon pour séparer les gens. Yeah. Séparer les gens. Et parler les gens. Waouh! Waouh! Yeah. Toute chose qui te sépare de Dieu, c'est un démon. Toute chose, pas seulement les hommes. Toute chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les démons sont en train de partir? Est-ce que tu les reconnais? Yeah. Je presse pour que tu les reconnaisses dans ta vie. Vous les reconnaissez. Alléluia. Tu les reconnais. Lorsqu'il arrive, le gars la relive, s'il te plaît. Attends. À la porte. N'entre pas dans ma porte. N'entre pas dans ma chambre. Va-t'en, Satan. Alléluia. Est-ce que tu vas dire, va-t'en, Satan, à partir d'aujourd'hui? Yeah. Yeah. Si tu crois, il y a les gens qui ne croient pas en ces choses. Et ça même, c'est une activité démoniaque. Yeah. Beaucoup, par exemple, l'Europe, ils ne croient pas que Dieu existe. Et ils ne croient pas que Satan existe. Donc, Satan est libre. Yeah. Satan est libre. Satan est libre. Alléluia. Et la Bible dit que Satan aveugle les gens. T'aveugle pour ne pas avoir la lumière. Et quelle lumière? La lumière de la parole. Parce que lorsque la parole arrive, il y a une lumière. Et tes yeux sont vus. Ah, oh, je ne savais pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que Satan fait. Et chaque dimanche matin, Satan est en bataille. À partir de samedi soir, bataille. Bataille. C'est pourquoi tu n'as pas envie de venir. Les envies là, je vais me coucher un peu. Oh, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. C'est Satan qui agit. C'est Satan. Tu dois comprendre aujourd'hui que c'est Satan qui veut te séparer de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis, si tu crois ou bien tu ne crois pas, la vérité, ça ne change pas. Je dis, oh non, pasteur, ce que tu dis là, non. Moi, ça sont des histoires. Yeah, tu peux dire ça, mais il y a la vérité. Et ça t'influence. Tu veux ou bien tu ne veux pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, parce que je sais qu'il y a certains qui sont en train de prêcher contre ma parole. Et ça, c'est Satan qui fait ça. Les gens prêchent contre la parole. Et c'est une influence démoniaque. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc il faut reconnaître. Tout ce qui te sépare, les offenses, ça c'est une porte. Porte et offense, porte. Les offenses, porte. C'est une porte. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? C'est comme je suis pressé parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu es là et tu ne fais rien à l'église, tu es la cible. On dit la cible, bien le cible. La cible pour un démon. Yeah. Tu dois t'engager à faire une activité spirituelle. Yeah. Et Satan n'aura pas beaucoup de d'opportunités à te convaincre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dans le premier signe, c'est la peur. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur. N'aie plus peur. Alléluia. Fais l'opposé de la peur. Yeah, c'est ce que l'évêque a dit. L'évêque a dit que l'une des choses pour faire pour surmonter la peur, parce que tu as peur de faire quoi? Tu as peur de faire quoi? Alors? D'écrire pause. Ah, l'examen. Il faut écrire l'examen. Lorsque tu as peur d'écrire l'examen parce que tu as échoué, tu écris encore. Yeah, tu fais l'opposé de la peur. Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. Il y a des gens qui ne veulent plus commencer des relations. Yeah. À cause de ce que quelqu'un a fait. Un homme a fait. Je t'aime. Et puis après, je te hais. Donc c'est fini. Parce que tous les hommes sont, la même, sont les mêmes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, fais l'opposé de la peur. Et la deuxième chose, c'est la séparation. Séparation. C'est l'ennemi qui sépare les beaux amis. Yeah. C'est l'ennemi qui crée une confusion. Un bon mariage est détruit par l'ennemi. La séparation. Les gens sont offensés. Ils sont dans leur coin. Et lorsque tu es dans le coin là, l'ennemi vient avec des imaginations. Yeah. Yeah. Alléluia. Regarde la manière dont elle me regarde. Yeah. Activité démoniaque. Yeah. Alléluia. Yeah. L'église là. L'église là. Ceux qui disent l'église là. Activité démoniaque. Yeah. Le lighthouse là. Les gens d'Abelengbe là. Le berger d'Abelengbe là. Ah. La fille là que j'ai vue à Abelengbe là. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu utilise les faibles. Qui dit que nous sommes des anges qui sommes ici? Qui dit que nous sommes des anges? Nous sommes ici, le Seigneur est en train de travailler sur nos vies. Ah. Et tu vas voir que un drunkard, quelqu'un qui buvait avant, qui fumait, est ici sur le podium chanter. Parce que Dieu travaille. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Yeah. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Dieu est en train de travailler pour que nous soyons prêts pour le ciel. Dieu n'a pas fini. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Dieu n'a pas fini. Il est en train de travailler sur nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Wow. Je pense que nous sommes bénis ce matin. Par la grâce de Dieu. Les démons sortent. Les démons sortent. Les démons sortent. Les démons sortent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les démons ne peuvent plus te tourmenter. Parce que tu connais leur activité. Tentations, les envies dans le corps. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être séparé de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. On doit partir sinon... Il y a beaucoup de choses à dire. Il ne faut pas rater ces dimanches. Il ne faut pas rater ces prédications. Si tu rates, il faut prendre le message et puis écouter. Parce que le Seigneur veut nous délivrer. Alléluia. Le Seigneur veut nous délivrer en décembre. Yeah. Certains d'entre vous voyagez. Pour aller fêter dans vos pays. Il y a certaines qui partent définitivement. Lorsque vous allez, il y a des démons qui vous attendent. Préparez-vous maintenant. Alléluia. N'ayez pas peur. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer les yeux et remercier le Seigneur ce matin? Dis merci pour la lumière qui vient. pour la délivrance des démons que le Seigneur amène dans ta vie. Tu ne seras plus tourmenté. Tu vas reconnaître les activités des démons et des esprits mauvais au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce message, pour ta parole. Seigneur, merci. Ce matin, je suis délivré. J'étais offensé et je voulais me séparer. J'avais la peur de te servir, mais ce matin, je suis délivré. Je n'ai plus la peur. Dis merci, Seigneur, merci. Merci. Seigneur, je ne vais plus me séparer. Je ne serai, même si je suis offensé, je vais pardonner, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la force de pardonner, de laisser tomber, d'oublier. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Alléluia. Fermez les yeux, tout le monde. Est-ce que tu es béni ce matin? Ferme les yeux avant de partir. Ferme les yeux. Je vais faire une prière pour certaines personnes ici. Si tu es là, tu n'as pas pris une décision pour donner ta vie à Dieu. La Bible dit qu'à moins que ne naît de nouveau, on ne verra pas le royaume des cieux. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son Fils unique. Il nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner. Nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés. Dans Romains chapitre 8 verset 1, nous ne sommes pas condamnés. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et ce matin, il veut te donner l'opportunité à toi. Si tu n'as pas vraiment, tu ne te rappelles même pas que tu as pris une décision pour dire Seigneur, je veux te servir. Ce matin, le Seigneur te donne l'opportunité de donner ta vie à Dieu. Si tu es là, il veut te sauver. Il veut te sauver ce matin. Et si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Lève la main. Merci mon frère, je vois. Je vois la main. Merci. Merci. Merci. C'est pas la honte. Oublie ton voisin et lève la main. Ferme les yeux, lève la main. Merci. Merci. Le salut individuel. La Bible dit qu'on va comparaître un jour devant le trône. Comparaître chacun. La Bible dit que chacun, pas avec ton ami, pas avec ton père ou bien ta mère. Pas avec ta femme, pas avec ton mari, pas avec ton frère, ta soeur. Non, on va comparer chacun au trône de jugement. Mais ce matin, le Seigneur te donne l'opportunité. Et le jour-là, lorsque tu te tiens devant le trône, tu peux dire, le Seigneur va dire, oh non, mon frère, passe ici. Viens. Lève la main. Donne ta vie, lève la main. Lève la main. Je vois ceux qui ont levé la main. Si tu veux lever la main, lève ta main pour Dieu ce matin. Tu veux choisir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Mon frère, viens. Viens, on va prier. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir. Viens. Tu n'as pas levé la main. Merci. Tu n'as pas levé, mais tu veux venir. Viens. Tu n'as pas levé la main. Mais viens. Viens. Fermons nos yeux. Tous, fermons nos yeux. Ceux qui sont devant, répétez après moi, dis Seigneur, je te remercie pour cette opportunité. Merci pour ce matin. Seigneur, je prends la décision de te servir. Je crois que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Et ce matin, je le reçois comme mon sauveur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang qu'il a versé sur la croix pour moi, pour mes péchés. Seigneur, merci. Il s'est sacrifié pour me racheter. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, donne-moi la force de te servir, pour te servir le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen.